Deuxième partie, chapitre 1er. Contrairement aux espérances de M. de Mussidan, contrairement aux pronostics du clerc du notaire de Cordes, contrairement aux probabilités, Mademoiselle de Puylaurens n'était pas encore morte. Elle était toujours la meilleure cliente du docteur Azéma et du pharmacien Sénégas. Chaque fois que les gens de Cordes la voyaient monter la côte pour aller à la messe, ils se disaient qu'elle ne la redescendrait peut-être pas. Il y avait des paysans qui mettaient leur argent de côté pour acheter un morceau de ses terres lorsqu'on les vendrait après sa mort, mais enfin, elle ne mourrait point. La première année qui avait suivi son mariage s'était écoulée sans que M. de Mussidan se plaignît. Sans doute, il était humiliant pour lui de s'en aller le 1er, le 15 de chaque mois toucher sa rente, qu'il appelait une indemnité, chez maître le Genet de la Crochardière. Et cette humiliation était encore aggravée par cela que ce notaire, au lieu de lui offrir convenablement cette indemnité, la lui faisait payer par un caissier au milieu d'un tas de clercs aux regards curieux et aux sourires moqueurs. Sans doute, il était pénible de monter tous les jours 5 étages. Sans doute, il était triste de demeurer à Montmartre au lieu d'habiter les Champs-Élysées. Sans doute, il était lamentable de se promener dans la boue ou dans la poussière au lieu d'aller au bois dans un coupé correctement attelé. Sans doute, il était pitoyable de n'avoir que 10 francs à dépenser par jour au lieu d'en avoir 500. Sans doute, il fallait des trésors d'abnégation et de patience pour se résigner à n'être qu'un pauvre diable quand on pourrait, quand on devrait être une des personnalités les plus en vue du monde parisien. Mais enfin, il avait donné 3 ans à vivre à cette coquine et il ne serait pas généreux à lui de les reprendre. C'était 3 années à passer, cruelles, terribles, éternelles, mais ce serait les allonger encore que de se laisser aller à l'impatience. Il fallait attendre, il fallait supporter son malheur avec dignité, et quand les lettres de Sédou arrivaient annonçant quelque nouveau rhume ou quelque complication nouvelle dans l'état de la vieille coquine, ne pas permettre à l'espérance d'ouvrir trop tôt ses ailes. On verrait. Du calme, de l'impassibilité. C'est le propre de l'homme fort, de ne pas plus se laisser exalter par la bonne fortune que de se laisser abattre par la mauvaise. Et il était un homme fort. Mais, malgré cette force, à la fin de la 2e année, il avait commencé à ne plus pouvoir s'enfermer dans son impassibilité. Qu'elle ne fût pas encore morte, il n'y avait rien à dire. Les chances fixées n'étaient pas arrivées. Mais au moins, devrait-elle être tout à fait mourante. Et justement, Sédou n'annonçait aucune aggravation sérieuse dans son état. Faible, oui, plus faible, mais non moribonde. Elle se moquait donc de lui. Les médecins étaient donc des ânes battés. Non seulement cette attente, se prolongeant ainsi, devenait de jour en jour, d'heure en heure, plus exaspérante, mais encore, elle traînait à sa suite des ennuis de toutes sortes. Ce n'était pas avec 300 francs par mois qu'un homme comme lui pouvait faire face à ses dépenses, et bien qu'il les appliquât exclusivement à son usage personnel, Angélique gagnant assez avec son travail pour subvenir aux besoins du ménage, il avait fait quelques dettes. Qu'importait ? N'était-il pas sûr de pouvoir les payer le jour prochain où il jouirait du revenu total de la fortune dont hériteraient ses enfants? N'est-ce pas de la folie, de la pure folie, de s'imposer les plus dures privations aujourd'hui quand on est certain d'avoir demain 150 000 francs de rente? C'étaient là des dettes criardes, d'autant plus ennuyeuses qu'elles étaient misérables. Plus les créanciers sont petits, plus ils sont hargneux. Peut-être cela tient-il à ce qu'ils ont plus que d'autres besoin de ce qui leur est dû. Mais c'était là une considération indifférente pour lui. Il n'était sensible qu'à une chose, leurs exigences, leurs criailleries, les querelles qu'ils venaient lui faire jusque chez lui. D'autre part, le tapissier qui lui avait fourni son mobilier n'avait que trop fidèlement suivi ses instructions. Du goût, pas de solidité. Le crin végétal, employé à la place du crin naturel, s'était aplati et mis en plotte. La crétonne du meuble était déjà usée par place. La 3e année avait commencé. Elle s'était écoulée. Allait-il donc en être réduit à payer ses créanciers avec l'argent de sa rente? Faudra-t-il qu'il se privât de ses cigares de la Havane et les remplaçât par des cigares de la Régie? Subirait-il l'humiliation de ne donner que 5 sous de pourboire comme un bourgeois crasseux au cocher qui le ramenait les jours de pluie? Comme ses meubles, ses vêtements montraient la corde. Hélas! Le velours de sa limousine était tout lustré, son chapeau était rougi, il faisait des économies sur ses gants, cela ne pouvait pas durer davantage. Et cependant cela se prolongeait, le temps s'écoulait, les jours, les semaines, les mois, elle ne mourait point. Il avait toujours été calme, mais maintenant c'était avec une vraie fièvre d'angoisse qu'il attendait, le 1er, le 15, le bulletin de Seydoux. Ce Seydoux ne se trompait-il pas? Ne le trompait-il pas? Un clerc de notaire. Il aurait fallu un homme à l'esprit perspicace, au coup d'œil sûr, un homme comme lui, qui tout de suite aurait su à quoi s'en tenir. Ah, s'il pouvait l'avoir. Mais malheureusement, elle ne venait pas à Paris. Cette idée s'empara si bien de lui, l'obséda si souvent, qu'il trouva qu'il devait s'en débarrasser en la réalisant. Pourquoi ne ferait-il pas le voyage de corde? Ce n'était pas une affaire. Il lui serait facile de voir sa tante sans qu'elle le vît elle-même. Et d'après l'impression qu'il en porterait, il arrangerait sa vie, qui ne pourrait pas rester plus longtemps livrée aux expédients. Si le voyage n'était pas une affaire, le prix du voyage en était une. Il fallait 160 francs pour l'aller et le retour, et il ne touchait que 150 francs à la fois. Reporter une quinzaine sur l'autre était impossible. Il n'avait qu'un moyen, demander ce qu'il manquait à sa femme, ce qu'il fit. « Vous me rendrez cette justice, ma chère amie, que jusqu'à ce jour, si grand que fussent mes embarras, j'ai eu la délicatesse de ne jamais vous parler de choses d'argent. Vous travaillez, vous faites ce que vous pouvez, et vous disposez de l'argent que vous gagnez comme bon vous semble. Je l'emploie pour la maison. Pour la maison, pour votre fille, pour vous, pour vos toilettes, pour vos fantaisies, pour vos plaisirs. Comme vous voulez, rien n'est plus juste. Mais une circonstance se présente où j'aurai besoin d'une 100 francs. Et si je vous en parle, c'est qu'il s'agit d'une dépense qui doit vous profiter, à vous et à votre fille. Un voyage à Corde, pour surveiller l'héritage de ma tante. C'est très urgent. Vous devez avoir de l'argent, quelques petites économies. J'ai mis de côté 30 francs pour acheter un manteau à Geneviève. Un manteau à Geneviève? Ah, je ne la vois pas du tout en manteau. Elle est bien plus gentille avec sa petite pèlerine. Le manteau peut donc attendre que vous ayez mis de nouveau de l'argent de côté. Seulement 30 francs ne font pas les 100 qu'il me faut. Je n'en ai pas davantage. Je pense bien. Mais Geneviève n'a plus besoin du hochet que Mademoiselle de Puylaurens lui envoyait. C'est très mauvais, les hochets en métal pour un enfant de cet âge. D'autre part, elle ne se sert pas encore de la tasse en argent qu'elle a reçue cette année. Si vous portiez cela au Mont-de-Piété, vous auriez bien 100 francs. Elle eut effectivement 100 francs. Et il les prit avec les 30 francs du manteau, de sorte qu'il partit pour Corde plus riche qu'il n'avait espéré, ce qui lui permit d'abréger la longueur du chemin en fumant quelques bons cigares. Il ne lui convenait pas d'entrer à Corde en misérable. Pour s'y rendre de la station de Vindrac, il prit une voiture particulière. Corde est une petite ville bâtie au sommet d'un monticule en forme de cône, qu'elle couvre de ses vieilles maisons et de ses remparts, qui datent du XIIIe siècle, un Mont-Saint-Michel en plaine. C'était au bas de ce monticule que se trouvait le château de Mademoiselle de Puylaurens, dans la vallée du Sérou. Et c'était de là qu'elle partait tous les matins pour aller entendre la messe dans l'église qui couronne la ville. Monsieur de Mussidan, qui connaissait cette habitude, s'était arrangé de façon à arriver en temps pour la voir passer. Et pour n'être pas vu lui-même, il s'était embusqué dans l'ombre de la porte des Houlmettes, par où elle devait arriver. Son attente n'avait pas été longue. Au moment où, dans le clocher, commençait à sonner la messe, il avait entendu un faible bruit de grelots qui s'était vite rapproché, et bientôt, sous la voûte, en plein cintre de la porte, il avait vu paraître une petite voiture basse, traînée par une belle mule enguirlandée de pompons rouges. C'était Mademoiselle de Puylaurens qui conduisait elle-même sa mule, et sur le siège de derrière se tenait le fidèle Buvat. Mais Monsieur de Mussidan n'avait Dieu que pour sa tante. Il croyait la trouver à peu près morte et elle lui apparaissait exactement dans le même état où il l'avait vue à l'hôtel du Bon-la-Fontaine, aussi pâle, aussi maigre, aussi faible, mais ni plus pâle, ni plus maigre, ni plus faible. Elle avait ralenti l'allure de sa mule sous la voûte, mais la porte passée, la mule fit sonner ses grelots et reprit le trot d'un pied assuré sans glisser sur les larges dalles qui pavent la rue Montueuse. Aussitôt que la voiture était entrée dans l'ombre et la fraîcheur, Buvat avait posé sur les épaules de sa maîtresse un manteau qu'il tenait prêt.